Bon, quelle heure là? 14h? Ouais, je vais le chercher là. Il se réveillera pas, je te dis. Wow! Hé, hey, Farage! Wow! Vas-y, arrête de le réveiller, il se réveillera jamais. Wow! Hé! Hey! Farage! Putain, il s'arrête le bordel là. Vas-y, je descends. C'est pour les frères qui grimpent sans laisser leurs empreintes. Dieu comme seule crainte, tu ferais mieux de retirer ta plainte. J'ai fait le tour comme pyrrhine dans ce labyrinthe. Paroles restreintes, les petites dames se font passer pour des saintes. En demi-teinte, je vais pas te faire de dessin. Écoute 5, un truc de dingue dans cette jungle. Jongle avec les risques, ceux qui détériorisent, ils nous prennent pour des terroristes. Alors on pose des bombes sur 10. Vends pas les coups, ça me fait triper. 10 piges, j'aille friter. Les frères tombent, les frères se plombent, c'est mort comme la cité. Si la tombe nous attend, à quoi pour anticiper? L'ennemi se nomme Satan, toujours au temple plébiscité. La justice est coupable, l'État nous écoute pas. La baffe comme un keuf qui te braque attend que le coup part. L'amour s'est taillé les veines, l'orgueil ma gaine rose. Sponsorisé par la haine, borné comme John McEnroe. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Ça commence tout petit avec l'envie de décoller. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Vite le rôle, tous coupables avec l'envie de rironner. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Voilà une prod qui te rappelle le plomb que t'as dans le péronné. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Aucune entrée, aucun entrée, que des crottes d'héroïne. Qui nous pousse tous à prendre du flouscous. C'est pour mes cassos, de Paname jusqu'à Sousse. J'arrive comme une bastos, un coup de douce gratos. Une banane et t'as le blue, où est passé ton matos? On fait comme mon pote Jouz, mal fera le nom de la sauce. Laisse la France comme mousse, sans pitié pour les hardcore. Comme un coup de crosse dans la bouche, une picouse, un poste qui finit sur la touche. Qui aurait cru que ce gosse finirait dans la genou. J'baisse la bague comme l'équipe du blondiné. Et je continue à me foutre leur gueule au combiné. C'est pour les vrais, les frères, ceux qui m'ont pas donné. Le reste qui sait se faire enculer, comment pardonner? Le jour où ça pète, y'a des têtes qui vont tomber. Crois pas que c'est la fête, y'a des putes qui vont se faire plomber. Aujourd'hui c'est le parloir, hier c'était la parlotte. Quand je te disais d'être parano pour pas te faire enculer par l'autre. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Ça commence tout petit avec l'envie de décoller. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Vite le rôle, tous coupables avec l'envie de rironner. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Voilà une prod qui te rappelle le plomb que t'as dans le péronné. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Aucune entrée, aucun entrée, que des crottes erronées. On mène une vie de chien à la recherche d'un vétérinaire. Juge proc, moi dans le fort qui sont les criminels. Un opinel dans le froc, une entaille en guise d'email. J'ai dit merde à ta coque et j'avance pour ceux qui m'aiment. Mes mains bêtes pour l'or et elles sont dans la merde. Je dirais même que les ports ont contribué à ce que je la ramène. L'erreur est humaine, l'économie est parallèle. Dans ce tunnel, observe les paramètres par eux-mêmes. Garde-toi les gueules quand c'est la pénurie. Ton écurie se limite à ta bite et ton équipe t'a élu comme Ténurips. Arrête de rêvasser, cesse de grimacer. Je vois que tu frimassais, que t'as plus l'étincelle qui faisait que ton bise marchait. À part de l'air, man, qu'est-ce que tu brasses? Trace ta mère, t'as tes bras comme partenaire, qu'est-ce que tu crois? C'est l'air, y'a pas que l'avenir qui dérive. Là où les rêves de footballeurs finissent en boîte à dérive. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais. Ça commence tout petit avec l'envie de décoller. Fête de haut, fête de bas, la vie de rue tu la connais.